Chapitre 8e. À 7h30, la douairière et sa belle-fille, assises l'une près de l'autre, lisaient les journaux qui venaient d'arriver quand un domestique entra en disant « Le chef demande s'il faut attendre monsieur le comte. » Antoinette ne bougea pas, mais la douairière releva brusquement la tête. « Comment ? Monsieur le comte n'est pas rentré ?»« Mais non, madame la comtesse. »« Servez !» commanda la vieille femme. Elle paraissait irritée. Antoinette, quittant sa lecture, lui dit doucement « Je ne suis pas surprise que Guy ne soit pas rentré. Monsieur de Blainville est parti de Ligny à 4h et le tennis battait son plein. On a dû finir très tard et on aura retenu les jours à dîner. Il pouvait nous prévenir. Pourquoi ? Il pense que nous ne sommes pas inquiètes. En vérité, ma chère enfant, dit la douairière, vous êtes, pour une mariée de 3 mois, d'une philosophie un peu bien surprenante. » Le ton de la vieille comtesse était moins affectueux que de coutume. Antoinette retint les larmes qui montaient à ses yeux et répondit « Je vous assure, madame, que cette philosophie n'est pas de l'indifférence. Je préférais que Guy fût ici toujours entre nous deux. Mais il est comme il est, et vous savez aussi bien que moi que rien ne modifiera sa nature. Il aime le monde, comme on l'aime à 25 ans. Il est plus jeune que son âge, c'est vrai. Mais on ne peut guère lui reprocher d'aimer ce monde qui le gâte et l'adule. Trop. Beaucoup trop. Je ne voudrais pas vous inquiéter ni vous rendre jalouse, ma chère petite, mais enfin, ces dames sont grotesques avec Guy. Il est impossible que vous ne vous en aperceviez pas. Je m'en aperçois très bien, madame, mais qu'y faire? Mon Dieu, rien de déterminé, de précis. Seulement, je crois que si, par exemple, vous accompagniez plus souvent votre mari, il aura l'air moins garçon. Oui, peut-être, mais je ne peux pas, je... Elle allait dire « Je souffre trop », mais elle s'arrêta. Pas même à sa belle-mère, elle ne voulait avouer sa jalousie. Cette jalousie anxieuse et découragée, qui commençait à creuser ses joues rondes et à pâlir son teint rose. Le dîner fut silencieux et la soirée se traîna lentement. Pour la première fois, il y avait une gêne entre les deux femmes. À 11h, au moment où la douairière allait se lever pour monter chez elle, Guy entra en coup de vent, gai, bruyant, l'air heureux. « Bonsoir, maman. Bonsoir, toi, non. » Il courut à sa femme et l'embrassa à pleines lèvres en répétant « Ma pauvre toi, non. Il me semble qu'il y a un siècle que je ne vous ai vu. Et c'est vrai, d'ailleurs. Songez donc, depuis ce matin, 11h. »« Et moi, dit la vieille comtesse, je te ferai remarquer que tu ne m'as pas vu du tout depuis hier au soir. » Il se précipita vers elle et l'embrassa aussi, en répétant de sa voix joyeuse et claire « Pardon, maman, pardon, j'oubliais. » « Je suis si habitué à vous voir au déjeuner que... »« Tiens, tu es si habitué que ça ? Moi qui allais au contraire me plaindre de ce que je te vois présent très rarement au repas. »« Oh, maman » murmura-t-il, embarrassé, et se tournant vers sa femme. « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Puis, sans lui laisser le temps de répondre, « Ravissante cette partie de tennis. Nous avons joué jusqu'à la nuit. Un instant de plus et nous aurions joué aux torches. » Madame de Ligny a un entrain de tous les diables. « Pourquoi donc n'avez-vous pas voulu rester, toi non, vous qui aimiez tant le tennis ?»« Je l'aime encore. »« Eh bien alors ? Mais pas comme ça. »« Comment, pas comme ça ?»« Non, j'ai joué 2 ou 3 fois à Ligny, c'est un tennis pour rire. »« Où on est aux petits soins pour les dames, où on ne leur sert que des chandelles, on les traite comme des gâteux avec lesquels on flirte, c'est vrai, mais enfin des gâteux tout de même. » J'ai été, moi, habitué à jouer le jeu sincère, sans distinction de sexe, sans concession, et celui-là seul m'amuse. Vous êtes trop difficile. Après un instant de silence, il demanda, s'adressant à sa mère, « Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux, toute la journée ?»« Antoinette est allée à la rosière. Sans vous ?»« Je ne fais plus de visite, tu le sais bien. » »« C'est vrai, je n'y pensais plus. » Il se tourna vers la comtesse, et d'un air un peu embarrassé, « Vous avez vu les Blainville ?»« Oui. »« Et Madame de Breuil ?»« Elle était sortie. »« Ah !» fit Monsieur d'Étiol qui sembla plus à l'aise. « Elle était sortie. Je l'ai rencontrée dans l'avenue quand je rentrais. » Le visage de Guy se rembrunit et il regarda attentivement sa femme. La voyant souriante et tranquille, il se rassura. Et avec son extrême mobilité d'esprit, il revint à ce qui, pour l'instant, l'occupait. « C'est merveilleux, le tennis, pour mettre en lumière les femmes. » Ainsi, jamais avant de jouer avec Madame de Ligny, je n'avais remarqué sa souplesse. La douairière se récria. « Sa souplesse, mais mon pauvre ami, tu rêves. »« Je ne rêve pas le moins du monde. »« Allons donc. » »« Elle peut être remuante, rebondissante, leste même si tu veux, mais pas souple. »« Une tonne ne peut pas être souple. »« Une tonne ? Vous êtes sévère, maman. »« Je suis juste seulement. »« Non. Tenez, demandez à Toinon, qui est la justice même. » Eh, Toinon ne peut pas donner librement son avis, si cet avis est défavorable, sur une femme que tu loues. Elle aurait l'air d'en être jalouse. Jalouse, elle ? S'écria Guy en éclatant de rire. Ah bien. Elle peut bêcher Madame de Ligny et les autres tant qu'elle voudra, si ça l'amuse. Je n'aurai jamais cette idée saugrenue que c'est par jalousie. N'est-ce pas, Toinon ? Il regarda Toinette, qui, toute blanche, souriait sans répondre et demanda affectueusement inquiet. Vous n'êtes pas souffrante ? Je vous trouve palote. C'est vrai, dit la douairière, regardant aussi sa belle-fille. Vous êtes très pâle, ma chère enfant. Qu'est-ce que vous avez ? Rien, répondit la comtesse troublée. Rien du tout. Elle avait rougi beaucoup. Guy lui prit la tête, la forçant à s'incliner sous la lumière de la lampe et s'écria. Mais non, elle est rose comme une pêche. C'est le reflet des abat-jours verts qui donne ce teint-là. Elle n'a jamais eu meilleure mine. Il se pencha vers elle et murmura, en embrassant sa fine oreille, « Si nous montions, ma chérie ?» Antoinette ne répondit pas. Comme la veille, elle voyait approcher avec crainte le moment où elle allait se trouver seule avec son mari. La douairière s'est élevée. « Bonsoir, mes enfants, » dit-elle. « Il est minuit et demi, je vais me coucher. »« Nous aussi, » répondit Guy. « Venez-vous, toi, non ?» Tandis qu'il montait l'escalier derrière sa mère, il s'écria, « Maman, j'oubliais de vous dire que les Lassolais viennent dîner demain. « Encore ? » murmura la vieille comtesse agacée. Et comme son fils semblait étonné, elle expliqua. « Dame, ils ont dîné hier, ils dîneront demain. Je trouve que c'est souvent pour moi. Mais si ça t'amuse, tant mieux. » La douairière rentra chez elle et le comte demanda à Antoinette. « Elle n'aime pas les Lassolais, maman ?»« Je crois qu'elle ne les trouve pas amusants. »« Et vous ? Moi ? Oui, vous. Est-ce que ça vous ennuie de les voir ?» Ça m'est égal. Ils étaient dans le petit salon qui sépare leur chambre. Guy regarda sa femme. Que tu es jolie, ma Toinon. Et le visage animé, les yeux caressants, il s'avança vers elle en murmurant d'une voix chaude. Jamais je n'ai eu plus envie de toi que ce soir. Brusquement, elle recula. Son sourire disparut. Et elle resta immobile à quelques pas de lui, le regardant, les joues pâlies et les lèvres tremblantes. Souvent, elle avait remarqué que Guy, lorsqu'il passait la journée ou la soirée avec d'autres femmes, lui revenait plus tendre que jamais. Et loin de la toucher, cette recrudescence de tendresse la froissait profondément. Naïve encore au début de son mariage, elle avait été flattée, rassurée même, par ses retours amoureux. Elle pensait « il me préfère toujours aux autres ». Mais à présent, rendue plus clairvoyante par l'excès de son amour, elle devinait le véritable motif de l'empressement de son mari et elle en ressentait une honte et une colère. Cette fois, l'impression était si forte qu'elle ne parvint pas à la dominer. Monsieur d'Étiol aperçut son trouble. « Mais toi, non. Vous avez quelque chose ? Ne dites pas non. Vous n'êtes plus la même, je le vois bien. Est-ce que je vous ai déplu ? Mais non. Pourquoi ne pas être franche avec moi ? Pourquoi ne pas me dire tout, ma petite femme chérie ? Elle eut envie de se jeter à son cou et de lui avouer ses tristesses, sa jalousie, de le supplier d'être à elle exclusivement, comme elle était à lui. Mais la réflexion arrêta le mouvement qui la poussait dans ses bras. À quoi bon ? Son aveu changerait-il le tempérament de cet être aimant et bon ? Mais mondain, par-dessus tout, non, en rien. Et peut-être, au lieu de rester l'amoureux et gai compagnon qu'il était grâce à son inconscience, il deviendrait mécontent. Ennuyé de se voir pris en faute, il souffrirait de la situation, sans toutefois rien faire pour l'atténuer. Mieux valait se taire toujours. Aussi, à la prière de Guy, « Pourquoi ne pas me dire tout ?» Elle répondit, « Comment voulez-vous que je vous dise tout puisqu'il n'y a rien ?»« Alors viens, ma chérie, ne te dérobe pas. Tu es souple comme un petit serpent. » Il l'avait reprise dans ses bras, mais elle le repoussait doucement, disant non de la tête. Ces mots, « Tu es souple comme un petit serpent », tintaient à ses oreilles, et sa volonté n'était pas assez forte pour surmonter la répugnance qu'en ce moment lui inspiraient les baisers de son mari. L'idée de profiter des sensations éveillées en lui par la souplesse de Madame de Ligny au tennis la dégoûtait infiniment. Elle revoyait la grosse petite femme, laquelle ressemblait à son avis à une bonne, sanglée dans sa robe trop étroite, rouge, suante, les veines du visage et du cou gonflées, enfin telle qu'elle la voyait à chaque partie de tennis, et elle se trouvait ravalée par l'assimilation qu'elle sentait dans le désir de Guy. Il demanda, surpris et inquiet, « Tu ne m'aimes donc pas ce soir ? Ce soir j'ai un mal de tête affreux. Ma pauvre Toinon, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Je suis là comme un imbécile à t'empêcher de te reposer, couche-toi vite. » « Oui, bonsoir, » dit-elle en lui tendant le front. Il demanda, en la quittant à la porte de sa chambre, « Montrez-vous tout de même à cheval demain matin ? Non, probablement. Dans tous les cas, ne m'attendez pas. Si je monte, je saurai bien vous retrouver. » « C'est ça. Je dirai comme ce matin à Pierre, quelle route je prends ?» Elle pensa, « J'en prendrai une autre. J'en ai assez, moi, des cavalcades avec les Ligny, Bessège et compagnie. C'est si bon l'air, et le bois, et le ciel, quand on est seul à galoper dessous. »